regard dans ton baignoire, des miroirs, et je crois que ça me fait quelque chose. Expression du mensonge, oui, je crois bien que ça me fait quelque chose. Quelque chose, quelque chose, ne me laisse pas goûter. Des démons qui ne se laissent pas cerner. Les yeux bleus, ces mages bleus, me rappellent un océan d'hiver. Les cendres de décembre ne me laissent pas descendre. D'un enfant amoureux, amoureux, amoureux, ne me laisse pas tomber. Ange, ne me laisse pas sombrer au paradis de l'amour. Au paradis de l'amour, vol des démons qui ne se laissent pas cerner. Au paradis de l'amour, au paradis de l'amour, vol des démons qui ne se laissent pas cerner. Les beaux yeux de ces amoureux semblent voir au loin des éléments. Du ciel, ne me laisse pas rêver. Songe à quelque chose qui me laissera t'aimer. Que de crainte pour ces âmes saintes. L'espoir oublié est venu te revoir. Tristesse, ô détresse, ne me fais pas. Je songe à des mensonges qui me font ressurgir. Au paradis de l'amour, au paradis de l'amour, vol des démons qui ne se laissent pas cerner. Au paradis de l'amour, au paradis de l'amour, vol des démons qui ne se laissent pas cerner. Vol des démons qui ne se laissent pas. Vol des démons qui ne se laissent pas. Vol des démons qui ne se laissent pas cerner.